Allô les mounes! Le 7 novembre à 20h, on fait notre premier enregistrement devant Pubis. Pouvez-vous craindre devant vous, devant vos yeux, puis ça se passe à la librairie Le Guélion. Rendez-vous sur Facebook pour les détails de l'événement et n'oubliez pas de cliquer Attending, on veut voir vos faces. Allô, allô, allô, bonjour et bienvenue à Deux Filles le matin, votre podcast coquin et votre seule et unique radio poubelle homosexuelle de gauche. Bonjour. Parlant de poubelle homosexuelle, je m'appelle Charlie Morin et il n'y a personne, et cette personne-là est pas encore née, qui va me faire dire tiramisu. Il y a un T dans ce style mot-là, il manquait de phonème, je m'excuse. C'est comme les gens qui disent expresso. Ben, il n'y a personne, cette personne-là n'est pas encore née. On dit pas expresso. Il va me faire dire espresso. Un expresso. Alors, toujours dans l'ordre du rose, moi c'est Jess, grande bipolaire, toujours concierge, encore sobre, ça n'a pas changé. Et si un jour je me pars un bend de rock, ça va s'appeler Green Gay. On n'est pas tout seul. Allô? Bonjour! Je me gâche, comme je peux-tu parler? Oui, tu peux parler. Ah ben bonjour, moi je m'appelle Thomas Leblanc. Ben là, je suis avec vous ici. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? T'as-tu une petite catchphrase? Un fun fact? Ben moi je suis une licorne, c'est ça. T'es une licorne? Ouais, moi nice. Je suis une licorne rousse. Si j'étais un drink, je ne sais pas si je serais un venti pumpkin spice latte parce que je suis roux et vraiment excité, ou un Red Bull! Oh! Alors... On est ici pourquoi aujourd'hui cette semaine? Ben cette semaine, partez! On parle de dépendance et de sobriété. Mais là, on va pas vous beurrer l'épisode de statistiques, on veut surtout vous en parler d'un point de vue plus personnel, en dehors du shaming et de la panique morale. Alors effectivement, cette semaine, on se questionne sur ce qui cause la dépendance en général ou spécialement milieu queer. On réfléchit les défis et les exclusions qui entourent parfois la vie sobre et on va peut-être même partager un petit peu notre expérience en dedans ou en dehors des paradis artificiels. Peut-être, vous verrez. En tout cas... On verra bien. On verra bien. Alors, on se prend une petite pause de 20 secondes et on vous revient over caféiné. Ciao, pao. Fait qu'on vient de la maison Jean-Lapointe où on a crashé un meeting juste pour voler du café. On maintenant, est même. On est clinqué. Fait qu'avant de parler de sobriété, forcément, il faut parler d'addiction. Fait que, vite de même, comment on décrirait c'est quoi être dépendant? Oh my God, l'obsession! Être vraiment obsédé. Puis c'est pas juste l'alcool ou les drogues. C'est, moi, en tout cas, je peux être vraiment obsédé par beaucoup de choses. Des gosses, dépenser de l'argent, mon téléphone, les médias sociaux, le travail. Oui. Parce que c'est ça, parce que tu dis dépendance, là, le monde y panique. Ben ouais. Il nous voit tout de suite, là, sa grosse Une aiguille bras, dans le bras. Une aiguille dans le bras, en train de snort de la coke un petit peu partout. Non. Les dépendances, c'est vraiment multiple. C'est drôle parce que tu disais dépenser de l'argent, puis je vais de côté. Sur Chosen Family, à un moment donné, tu disais que t'étais quelqu'un de très dépensier. Oui, vraiment. Puis le crédit, là... C'est une drogue. Oh my God. Le crédit, c'est une drogue. C'est hyper dépendant. T'as un high à chaque fois. Non, je sais. Mais tu sais qu'il y a des meetings pour ça. Oui. Il y a une fraternité qui s'appelle Debtors Anonymous pour les gens qui ont une dépendance au crédit. Et je pense que je vais falloir que j'y aille bientôt avec le huissier débarque chez nous. Mais c'est vrai. Puis surtout, moi, en plus, comme grande bipolaire, un des gros symptômes de bipolarité quand t'es sur un high, c'est que tu dépenses en tabarnak. Ouais. Been there, done that, je paye encore. Ce genre de dépenses-là, maintenant, j'ai une médicamentation, ça va mieux. Mais c'est super tough l'argent parce que c'est on peut pas en fait c'est l'argent, le sexe, la bouffe, tu peux pas arrêter. Tu t'en as besoin. Oui, effectivement. Pas mal, tu sais. Ouais. Alors que l'alcool, mettons moi j'ai arrêté de boire de l'alcool il y a presque 8 ans, mais tu sais j'ai pas besoin dans mon quotidien de boire de l'alcool, tu comprends? Ouais. Ça c'était plus simple. Mais est-ce que le fait d'être dépendant, ça fait en sorte que même si on arrête les dépendances qui n'étaient pas bonnes pour nous là, dans le cas de moi puis Thomas, c'est, on a parlé d'alcool, c'est assez fréquent les gens qui arrêtent de boire. On fait ça un tour de comme de c'est quoi nos dépendances? Non mon Dieu, on fait un meeting? On fait un meeting. Salut, moi c'est Thomas, je suis un alcoolique. C'est-tu mon intervention? Charlie ne sait pas encore, mais c'est effectivement son intervention. Il dit pas grand chose, mais il s'inquiète dans son coin, mais on va le pogner, ça sera pas trop drôle. Manger de la merde. Non mais moi j'ai entendu une affaire une fois je fais des Zoom meetings, puis j'ai entendu une fois dans une affaire quelqu'un qui disait moi j'aimerais ça être capable de consommer. J'aimerais ça comme pas me rendre fou, genre de ça. Puis moi, quand j'ai arrêté, c'est drôle parce que tu parlais de crédit, mais moi, quand j'ai arrêté, j'avais tellement de dettes, j'étais comme, je vais jamais être capable de payer ces dettes-là si je continue à faire le party. C'est clairement pas, ce sera pas possible. Finalement, il y avait plein d'autres choses qui se passaient dans ma vie, c'était pas juste ça, c'était comme la dépression, la santé, là, oui. Puis à un moment donné, j'ai comme vu le cycle, tu sais, j'étais comme, OK, si je bois, là, je suis comme, j'ai envie de faire la drogue, puis je suis vraiment, vraiment horny, puis là, je crash, puis là, ça recommence, puis ça recommence, puis ça recommence. Oui, il y a un cycle. Puis ça s'améliorait jamais. Tu sais, il y avait jamais un moment où j'étais comme, ah, c'est sous contrôle ou tu sais. Puis moi, j'ai fait le party pendant 10 ans. Tu sais, j'ai fait le party de 16 à 26, très intensément. Mm-hmm. Fait qu'à un moment donné, j'étais comme, pour vrai, j'ai peut-être fait pour la vie. Tu sais, c'était peut-être ça. Puis fait que j'ai comme. J'ai fait un 10 ans de concentré. C'est ouais, ça. Fait que c'est ça. Fait que, en tout cas, pour répondre. L'alcool, pour moi, il a fallu que ça arrête pour comme que le reste des affaires changent dans ma vie. Mais moi, je dirais jamais à quelqu'un, t'as un problème ou c'est comme tellement un truc personnel. C'est un peu là-dessus que je m'en allais aussi. Tu sais, quand on pose la question, c'est quoi la dépendance? Souvent, c'est pas juste de la dépendance. On l'a déjà abordé. Ça peut être des problèmes de santé mentale liés avec la consommation ensuite. Ça peut être. Moi, ce que j'ai compris à un moment donné, là, c'est que moi, je suis un anxieux. Je prends des médicaments pour l'anxiété. Mm-hmm. Ça fait longtemps que je fais de la thérapie. Puis c'est juste que l'alcool, quand j'ai découvert ça, j'étais comme, mais c'est extraordinaire. Ça me gère l'anxiété. Je comprends, c'est un médicament contre mon anxiété. Puis moi, j'ai toujours haï le sport. Toutes les autres choses qu'on se dit, ben fais ça, t'es anxieux. Ouais. J'haïs ça, le sport. J'haïs ça, le CrossFit. J'en fais, j'en passe sur Instagram, mais j'haïs ça, tu sais. Fait que l'alcool, à 14 ans, j'étais comme, that is great. Ouais. C'est drôle d'ailleurs parce que j'ai exactement la même séquence. Moi, j'ai fait de 15 à 25. Ouais. J'ai fait un 10 ans aussi de concentré. J'ai développé une dette positionnant les 30 000 $ je pense, à peu près. Mais tout est relatif, hein? Oui. Pour l'endettement, il y a du monde que c'est genre 2500 $ il serait fou. Il y a du monde, c'est comme 150 000 $ tu comprends? Oui. Ah, je serais-tu content, moi, juste 250 $ de dette? Non, 2500, j'ai dit quand même 250. 2500, pareil, au 30 000, ça prend mieux, mec. My God. Toi, Charlie, pour toi, c'est quoi la dépendance qui n'est pas, pour toi qui n'est pas sobre? Moi... Mais toi, en plus, non seulement t'es pas sobre, mais tu parles de ta consommation sur Instagram. Ouais. C'est hot. Ouais. Moi, je te suis, mais moi, ça... Ouais. Ton nom Instagram, c'est Traîner de poudre. Oh là là! Non, mais moi, ça... Mais moi, honnêtement, genre, je trouve ça comme si t'es bien, puis c'est beau, puis c'est comme safe. Mais moi, il y a un truc aussi où je pense qu'il faut pas que ça devienne tabou de parler de ta consommation, puis que ça soit comme aussi dans un truc de réduction des méfaits, tu sais. De juste comme d'être ouvert par rapport à ça, tu sais. Mais pour moi, c'est sûr que être dépendant, c'est être trop fonctionnel sur une substance, en fait. C'est-à-dire, c'est d'être capable d'être tout le temps fonctionnel, no matter what, puis c'est ça. T'aimes mieux être dysfonctionnel? Ben non, mais j'aime mieux que ce soit vraiment comme, OK, là, je fais telle affaire, puis là, c'est le fun, je fais le party, mais si ça m'aide à être fonctionnel, là, pour moi, ça devient un problème. Ben, c'est récréatif, ce que tu décris, c'est récréatif. Ouais. Okay. Fait que là, moi, j'aime bien que ça reste récréatif, parce que c'est vrai que, genre, j'apprécie vraiment beaucoup mettre différentes choses dans mon corps pour avoir différents stimuli. Genre, j'aime ça, c'est juste différentes le fun. Choses et différentes personnes. Différentes choses et différentes personnes. souvent en combinaison. mais c'est ça. Mais je trouve que c'est... Tu sais, tu peux pas non plus... En tout cas, c'est-à-dire que c'est le fun de fuir de temps en temps, puis je trouve que l'espèce de truc de genre, c'est pas vrai que même si t'es sobre, t'es tout le temps comme en train de t'observer pis dans la viscéralité de tes émotions, puis ci, puis ça, on trouve tout le temps comme des trucs pour prendre des breaks. Là, c'est juste que c'est ça. Quand on fuit trop efficacement puis qu'on devient fonctionnel à fuir avec des substances, moi, ça me fait peur. Puis c'est comme ça que je me gère. Ben c'est ça. Moi, j'ai été comme dans une espèce de cycle au début de ma vingtaine. Là, j'ai 34, mettons, il y a 10 ans, au début de ma vingtaine, j'étais vraiment comme travail, alcool, party, sexe, travail, alcool, party, sexe. Puis ce cycle-là a duré une couple d'années. Puis à chaque année, c'était pire que l'année d'avant. Tu comprends? C'est ce que tu décris. Moi, je sais exactement ça. Moi, c'est quand j'ai arrêté une affaire, quand j'ai enlevé un ingrédient, tout a crashé parce que j'étais comme plus capable de continuer. Ouais. Mais c'est assez fréquent, tu sais, parce que c'est ça. Moi aussi, je travaillais. C'est tellement exactement la même affaire. Moi, c'est ça l'affaire. En arrêtant de boire puis en faisant du meeting, j'ai fait, hey, je suis pas spécial. Ça m'a fait du bien. Ouais. Tu vois, c'est ça. Moi, j'ai jamais fait de meeting. J'ai arrêté cold turkey. Wow. Ouais. Pas par vertu. Il y a très peu de gens qui arrêtent par vertu. Je ne vous dirai pas pourquoi j'ai arrêté de boire. Il y a des raisons légales qui sont impliquées derrière ça. Be gay, do crimes. mais non, mais c'est ça. Puis effectivement, en fait, pas effectivement, parce que là, c'est ça. Toi, tu dis en faisant du meeting, tu t'es rendu compte que t'étais pas tout seul. Moi, je commence à réaliser que je suis pas tout seul. Parce que j'étais tout seul. Les cinq dernières années, là, je les ai passées la seule sob de ma gang. Puis c'était pas l'enfer. Là. Je veux dire, j'ai des très bons amis, j'ai une famille qui me supporte, ça va. Là. Ben, mais contrairement à d'autres gens, moi, j'ai vraiment des privilèges dans ce sens-là. Mais tu dirais-tu que le fait d'être queer, ça rendait ça plus facile, plus difficile? Chris, non. C'est plus difficile, je trouve. Ouais. On va en reparler un petit peu plus loin. Dans la communauté, des fois, c'est dur d'y échapper. Là, maintenant, j'ai des exemples comme Thomas Leblanc qui prouve qu'il y a une vie après la Tu sais que quand moi, j'ai arrêté de consommer, genre, je googlais compulsivement, genre, Sober Celebrity. Ah ouais? Là, mettons, genre, quand j'ai découvert que Lana Del Rey était très sobre, puis que tout son personnage, I wanna get high by the beach, tu sais, tout c'était c'est de la bullshit, comme de la bullshit. Là. Oh my God, j'ai aimé ça. Non, ça fait, c'est clair, ça fait un petit peu de bien de pouvoir se reconnaître dans les gens. Moi, ça commence, là. C'est vraiment comme je dis, mon coloc avec qui j'habite aussi, on parle beaucoup de sobriété ensemble, etc., etc. Ça fait changement parce que moi, je me suis beaucoup tenu avec des gens qui étaient hautement intoxiqués, même dans ma vie sobre. Je sais pas pourquoi je me faisais endurer ça. De ce moment-là, j'ai eu ma retraite à Laval pendant 3 ans. Qu'est-ce que tu veux dire, ta retraite à Laval? Ah, j'allais habiter à Laval. À Laval. Okay. Ben, je viens de Laval, je suis né là, mais je suis retourné à Laval pendant 3 ans en disant fuck y'all, moi, je m'en vais. Ben, toi, tu dirais-tu que quand t'es en. Mettons, là, Charlie, il fait le party. Ça vous est-tu déjà arrivé? Toi, t'es sur le party, puis toi, t'es sobre. Mettons, ça vous est-tu déjà arrivé? Mon Dieu. Oui. Puis tu dirais-tu que. Fréquemment, même. Genre, mettons, j'ai plein de souvenirs. Par genre osmose de plaisir, t'as plus de plaisir. Jusqu'à 10h30, 11h, oui. Après ça, je décollais sans dire bye à personne. OK. Ouais. Okay. Ouais. Parce que moi, tu sais, je fais des soirées. Je suis comme ben, DJ, j'ai mes soirées. Je suis souvent dans des bars. Moi, j'aime ça être dans un bar. C'est pas ça l'enjeu. Moi, je suis bien dans un bar. J'aime la nuit. Tu sais, moi, j'ai commencé ma carrière dans un magazine qui s'appelle Nightlife. La nuit, j'aime ça. Je me sens mieux. Moi, c'est le jour qui me fait peur. Le 9 à 5. Les gens normaux. Moi, je me suis beaucoup engouffré là-dedans. C'est ça. La job du 9 à 5. Je me suis dit, mon, tu devais ranger. C'est fini le bordel. Oh my God. Faut dire que je suis pas 100% sobre, je mets encore certaines affaires dans mon corps. Mais tu perds pas la maîtrise de toute ta vie. Absolument là, pas. C'est très, très, très occasionnel. C'est vraiment pas fréquent. Puis là, je recommence à découvrir la vie de nuit grâce aux drag queens et aux drag kings et aux shapeshifters de Montréal. Oui. Je suis, vous le savez, ceux qui nous suivent sur Instagram, ça m'est fatigant tellement je vais voir des shows de drag queens et de drag kings. Et je n'arrêterai pas. Oui, fait que c'est ça. Fait que là, c'est sûr que ça commence à revenir tranquillement pas vite, mais. Je trouve que. C'est ça, il faut pas. En milieu queer, des fois, c'est pas évident. Non, puis, tu sais, moi, au début, dans les meetings, j'ai rencontré quelques personnes sobres, mais c'était comme, il y en avait vraiment pas beaucoup, là. Des personnes queer sobres, là, tu sais. Ouais. Puis là, c'était comme, OK. Puis chacun, on partage. C'est tout le temps super intense. C'était comme, ah ouais, moi, c'est ça mon histoire. J'ai vécu ça, maman. Puis là, à un moment donné, comme. J'ai eu besoin de sortir de ça, là, tu sais, de faire, OK, là, je vais faire de la scène, je vais du stand-up, je me sens correct dans un bar, tu sais, mais il y a un bout où j'étais comme, je peux pas y aller, tu sais, pour vrai, je me sens pas à l'aise. Ah. Alors, sur ceci, nous, on s'en va se faire un petit 21 jours de détox de caféine. Donc, on vous prend une pause de 21 jours et on vous revient, ça sera pas très long. Fait que finalement, notre détox a duré 20 minutes. On a un café à la main. On a relapse direct. Ça le mal de tête est arrivé. Pluf. Non. Moi, je me prive pas de caféine. Fait qu'on a parlé plutôt de comment que spécifiquement dans la communauté queer, ça peut être challengeant. Ben, Jess avait l'air de dire que c'était plus challengeant. Mais toi, Thomas, t'avais l'air de dire que c'était mieux. Ah, ça l'a été au début. En fait, ben, tu sais, c'est sûr que moi, de toute je racontais, j'ai fait le party intensément, vraiment 10 ans. Moi, j'ai commencé, j'allais dans des raves au secondaire. Puis j'étais comme un petit. J'étais pas bolé, mais mettons, la semaine, j'étais comme président de ma classe. Puis la fin de semaine, je faisais du speed puis la kétamine. Ouais. Mettons, pendant un an. Fait que déjà, ça part là. It's a look. I'm into it. Puis après ça, tu sais, cégep devenu majeur, nanana, les bars. Puis à un moment donné, j'étais comme, hey, l'alcool, c'est tellement pas compliqué, t'as pas besoin d'appeler un dealer, t'as pas besoin. Fait que quand, mettons, j'ai commencé à investir les lieux queer, tu sais, l'alcool c'était nécessaire. Là. J'aurais jamais été dans un événement queer quand j'étais plus jeune, sans boire, sans être intoxiqué. Puis moi, j'étais quelqu'un qui. Je voulais toujours être le pire du groupe. T'sais, c'était moi qui allais boire le plus, qui allait consommer le plus, qui allait, tu sais, mettons, la modération n'a vraiment pas bon goût dans mon livre à moi, tu comprends? Et c'est un peu comme ça que ça s'est installé. Fait que c'est sûr que de retirer l'alcool puis de continuer à fréquenter des lieux queer quand j'ai arrêté de boire, c'était pas si évident que ça. Fait que les premières années, je sortais pas trop. Puis là, depuis quelques années, d'abord, je suis dans les bars pour faire des shows, je DJ, tu sais. Fait que ça on dirait que là, je suis en paix parce que j'ai un purpose, tu sais. J'ai une raison d'être dans cet endroit-là. Puis j'ai appris aussi, comme je disais tantôt, qu'il y a plein de monde que j'admire ou que je respecte que finalement, ils consomment pas. Fait que moi, ça. C'est plus si difficile. Cela dit, j'ai connu beaucoup de gens dans la sobriété, mettons, des personnes à diversité sexuelle, des personnes trans, des personnes non-binaires, que. Et moi, je consommais pas parce que j'étais gay. Je pense que j'avais d'autres issues, mettons, que j'essayais de geler avec l'alcool ou la consommation. Mais je peux clairement voir comment, des fois, si c'est plus difficile au niveau familial ou au niveau social, c'est un bon exutoire, tu sais. Ouais. Puis par rapport à la sobriété en tant que telle, il y a comme un concept assez important dans ma sobriété, c'est comme juste d'avoir confiance dans la vie, tu sais, mettons. Oui, parce que, oui, oui. Parce que moi, j'avais pas vraiment confiance dans la vie. Moi, je trouvais que c'était comme un peu de la merde puis que ça servait un peu à rien, tu sais. J'étais très, très cynique. De toute façon, comme je l'ai annoncé à Radio-Canada il y a pas si longtemps, voilà. Notre vie sur Terre achève. Oui. C'est toi le premier qui l'a annoncé. On n'avait jamais entendu oui. ça. Non, ouais. ça. Je pense que oui. Désolé, Sainte Greta. Moi, je pense que ça achève. Puis il y a des gens qui diraient la foi. Il y a des gens. Mais tu sais, le terme, en fait, je pense que ça peut beaucoup turn off aussi des gens de la diversité sexuelle parce qu'on a tellement une expérience particulière ou négative avec la religion ou la spiritualité. Comme, oui. Comme, mais je pense que dès que tu peux trouver une forme de spiritualité queer qui te convient puis qui est à toi puis qui, tu sais, vous avez parlé d'astrologie récemment. Oui. Moi, ça fait partie de ma spiritualité. Les gens peuvent rire, les gens peuvent dire que genre voyons, c'est pas. Mais pour moi, ça a comme créé du sens puis ça a fait ah ouais, ok, ça se peut cette affaire-là, tu sais, d'avoir confiance en la vie, d'avoir confiance en l'avenir. Mm-hmm. Fait que le geste d'avoir confiance, ça a été important. Puis je trouve que c'était tough en étant queer parce qu'il y a beaucoup d'autodestruction, tu sais, beaucoup de. Oui. Ah ouais. Mais c'est ça que j'allais dire parce que comme déjà être queer puis être conscient qu'on est queer puis qu'on est dans le milieu queer, il y a beaucoup de gros fuck off la vie en général, fuck off la société. Ouais. Et des fois, consommer de la drogue ou de l'alcool, c'est un signe de fuck off la société, fuck off la vie normale, on est punk, on fait la fête, c'est très contestataire. Il y a une anarchie qui vient avec ça. Un refus des étapes de la vie adulte. Là. C'est ça. Puis moi, j'ai beaucoup évolué dans des milieux super anarchistes, super queer. Okay. Fait que tout le monde est pas mal. Ben, je veux pas exagérer, là, mais il y a vraiment beaucoup de monde qui s'intoxique à toute heure du jour et de la nuit. Ouais. Je pense que c'est décrire ma vie au cégep. Mais ça me fait tellement rire parce que j'en ai tellement vu des gens militants, mais là, qu'après ça, vont avoir une espèce de consommation de coke excessive où tu te dis t'as-tu compris comment la coke est arrivée à toi? De la plante de coke. Jusqu'à, tu sais. Fait que des fois, ce non-sens-là, moi, ça m'a souvent fait sourire. Oui, parce que la coke, je pense que c'est la chose la moins équitable qui se bat en Amérique du Nord. Toi, Charlie, dans les milieux queer, penses-tu qu'il y a une grosse pression à se intoxiquer? Est-ce que c'est difficile, tu penses? Mais moi, en même temps, moi, quand même, j'ai-tu une pensée formulée là-dessus? C'est-à-dire que moi, c'est sûr que. Puis, tu sais, on parle souvent de comme. OK. Moi, ce que j'aimerais, ce serait des parties où les gens consomment, mais qu'il y ait des espaces sobres, en fait. Puis que ce soit qu'on puisse. Ouais, les sober spaces. C'est ça, mais que les deux puissent être inclus. Parce que t'es tellement évolué, tu penses aux autres. Non, mais moi, je pense jamais aux autres. Non, mais le truc, c'est que moi, je pourrais pas aller dans un party sobre. OK. J'haïrais ça. Ça t'apprécie bien. Ouais, tu le sais. Je vais être bien honnête, là, c'était comme 2-3 que je vois passer à Montréal. Pas aller nécessairement, parce qu'en plus de ça, c'est pas nécessairement des gens qui sont sobres tout le temps qui vont là. Fait que là, c'est des gens qui sont sobres et qui savent pas quoi faire, puis ça paraît. Mais c'est ça aussi, tu sais. Puis je trouve qu'à un moment donné, moi, d'aller dans un sober space, ben, tu sais, comme Jess m'a déjà appelé l'inverse de la sobriété. Fait que tu sais. J'ai fait ça, moi? Oui, t'as dit, toi, Charlie, t'es l'inverse de la sobriété. J'étais comme, all right, girl. Mais moi, je trouve que, tu sais, puis souvent, il y a des tensions aussi avec les sober space dans des espaces de consommation où le sober space devient juste ton espace de hangover ou ton espace où tu vas prendre un break consommation, mais il y a des gens qui investissent ces espaces-là puis qui vivent pour vrai. Puis t'as clairement une réflexion là-dessus. Là. Peut-être. Ouais. C'est super intéressant. Mais, tout ça pour dire que moi, je voudrais qu'on puisse avoir des parties où il y a des espaces réservés aux personnes sobres où elles peuvent chiller entre elles puis juste prendre un break de ce qui se passe, mais se sentir bien puis se sentir forte puis sentir que c'est chill. Mais aussi que ce soit pas nécessairement dans un truc où ben soit dans le party on consomme, soit on consomme pas. Ce qui est tough, c'est que le modèle d'affaires des espaces, des bars notamment, c'est de vendre de l'alcool. Ben oui, après ça, il faut trouver des milieux ou des bars ou des lieux alternatifs différents où se réunir. Non, mais juste en termes de design d'espace c'est aussi. C'est ça. Là, quel espace tu prends? Puis là, tu veux pas prendre la chaîne dans le fond où les gens vont fumer pour comme ben sober non, space. Genre, tu veux aussi quelque chose d'intéressant. Ouais, fait, on s'entend que c'est pas facile à appliquer, mais en tant que tel, là, mettons que genre je voudrais avoir un idéal, je pense que ça, ce serait vraiment le fun parce que ben c'est no bitch left behind. Puis en même temps, il n'y a pas un truc de comme ben il faut se mettre à faire des choix où il faut comme. Moi, j'ai développé plus le truc de m'amener quelqu'un qui va rester ça. Ouais, c'est bon. Ça, j'aime bien ça parce que des sober space, il y en a rarement. J'en ai vu une couple dans certains parties queer, là, vraiment plus radicaux, mais tu sais, dans des bars en général. C'est moins facile à organiser, surtout que souvent, tu organises un événement, tu sais, comme Thomas, c'est ton cas, c'est pas ton bar. Non. Fait que non, oui, tu moi, peux aménager, mais... Oui, puis moi, je peux pas envoyer... C'est con, là, mais moi, si je peux pas envoyer le message au public puis aux gens qui sont là, hey, « buvez pas, by the way », alors que, tu sais, le gars qui me loue la salle, tu sais, je suis conscient de cette affaire-là. Après ça, moi, je vais pas inciter les gens à boire trop. Moi, je suis pas du tout du genre à, comme... police, genre la consommation des autres. Non. J'haïs, j'étais de même au début. Mais faire police, j'haïs ça, fait que je pourrais pas vraiment. Non, j'étais de même au début jusqu'à temps que je comprenne que c'est moi qui est sob, c'est pas les autres. Ben non. C'est, à un moment donné, c'est moi qui arrêtais de boire, c'est pas les autres personnes, c'est moi qui arrêtais de faire la drogue, c'est pas les autres personnes. Fait que à un moment donné, j'étais bien dans mon bout radical. Ah, la culture de l'intoxication, mort, ça va tout nous tuer. Non, c'est pas si pire que ça. Mais, tu sais, je pense qu'il faut. J'adore cette tension-là parce que d'un autre côté, tu sais, surtout je pense aux drogues qui sont vraiment liées au sexe, tu sais, ça peut aller vraiment loin puis ça peut devenir vraiment, vraiment dark chez les La gang, le maître, là, ça, les gens en parlent pas, là, mais tu sais, comme, c'est-à-dire que les gens vont en parler, mais de manière, tu sais, très légère et cynique, mais tu sais, comme, de à quel point ça peut aller deep, là. Ouais. Puis tu sais, je trouve que, en tout cas, puis là, ça va être mon petit rant sur, comme, go le maître, parce que, genre, j'ai fait de la réduction des méfaits dans le milieu communautaire, puis je trouve que on devient tellement, comme, harm reductionist qu'on va même pas dire aux gens que ça va fuck up leur vie puis que c'est actually vraiment trash. On va dire, comme, tu gères ta consommation, puis c'est correct, puis ci, puis ça. Puis je comprends aussi que dans un sauna, ben, tu sais, c'est une bonne partie de leur clientèle, fait qu'ils veulent pas mettre des affiches sur le mur qui font comme, hey, savais-tu que... Ouais. Mais en même temps, quand est-ce qu'on va leur dire, savais-tu que... Mais ça, c'est un autre point qui est super intéressant. Mettons, le sexe, vraiment le fun, avec d'autres gens qui aiment vraiment ça aussi, ça peut-tu se passer dans un lieu où il n'y aurait pas nécessairement... Tu comprends, comme la consommation de drogue, tu sais... Même sexe, drogue, sexe, consommation, c'est vraiment relié, parce que souvent, quand je voulais parler de culture de l'intoxication, je disais aux gens, c'est quand la dernière fois que tu as eu une relation sexuelle avec quelqu'un pour la première fois sans consommer? Oh my God, please don't attack me like this! Mais ça, quand j'ai arrêté de boire, ça, c'était un des gros points, parce que je me souvenais pas de ma dernière relation sexuelle non intoxiquée. Ça faisait des années, là. Fait que là, j'étais comme, OK, ça, c'est un gros point. Puis j'étais arrivé à un point où j'étais tellement détaché de mes émotions puis tellement gelé, de tous mes comportements puis ce que je consommais, que j'étais comme, je pourrais pas entrer en relation, tu sais, j'ai eu comme, je souhaite pas, je suis pas quelqu'un, je suis pas monogame, je souhaite pas dans la, c'est pas pour moi, la relation n'est pas du tout le but dans la vie, mais j'étais comme, hey, c'est fucking plate si genre je suis tellement pas connecté que je suis pas capable d'entrer en relation avec d'autres êtres humains. Ça a été un gros point pour moi, je pense que c'est beaucoup lié à la peur de l'intimité qu'on a toutes un petit peu en tant que queerdo. On a bien de la misère avec c'est vrai que les straights, c'est vraiment facile l'intimité pour eux. C'est ça j'allais dire, c'est un problème général dans la société. Les straights, il y a une partie du couple qui fait toute l'emotional labor lié au couple pour que ça se tienne, pour que ça arrive. Quelle partie? Tandis que, deux doutes, je m'excuse, il n'y a personne qui va faire l'emotional labor, il faut que tout soit honnête. Le signe de terre va faire l'emotional labor. Je pense que tu généralises parce que c'est plus compliqué que ça. Oh my God, tu penses que c'est plus compliqué que ça? Tu penses que c'est une généralisation? Je pense que les filles... Non, c'est monolithique. C'est très bon. Non, mais c'est pour vrai. J'essaie que je généralise puis que je niaise, là, mais tu sais... Mais oui, mais c'est vrai que... La peur d'intimité, c'est on gèle ça... À foison. Avec des comportements. Tu sais, même encore aujourd'hui, j'ai vraiment tendance à vouloir fumer un bat à ma date, là. Ce qui est vraiment une mauvaise idée parce que finalement, je fume un bat, je me crosse puis je vois pas ma date. C'est tout le temps ça qui arrive, là. Classique grinder, je pense. Ça, c'est, tu vois, c'est plat parce que moi, le weed, ça a jamais été mon affaire. Tu sais, j'ai pas fumé après avoir arrêté de boire. C'était pas mon truc. Ça m'endormait. Ouais. Puis là, depuis que c'est. Tu sais, je le ferai pas parce que j'ai fait ce choix-là que c'était pas pour moi, tu sais, mais j'étais comme. Tu sais, c'est au moins. Des fois, je suis comme, ah, ouais, ça pourrait comme. Mais je le ferai pas parce que c'était pas pour moi il y a 8 ans. Fait que je. Puis moi, la question que je me suis toujours dit par rapport. Là, c'est par rapport à l'alcool qui était ma drogue de choix. Tu sais, est-ce que je peux vraiment me promettre à moi-même que si je consomme plusieurs fois, mettons 10 fois, que je vais pas perdre le contrôle aucune de ces fois-là? Puis si à ce moment-là, je peux répondre de façon honnête, je peux me promettre ça, je pense que je pourrais consommer, mais. Encore à ce jour, 8 ans plus tard, je suis comme non, je pense pas. Parce que moi, je veux oblivion, tu comprends? Moi, je consomme pas je consomme pas pour comme. T'sais, genre, avoir un peu de plaisir. Tu sais, il y a des gens, moi, ça m'a flabbergasté quand j'ai rencontré des gens qui disaient ah, j'aime pas ça, perdre le contrôle. Genre, mais t'es-tu fou? T'es-tu fou? C'est exactement ça le point. That's the best part of it! That's the best part! Même après que j'ai arrêté de boire ça, c'était complètement ridicule. Là, je mettais du GH dans ma bière sans alcool. À un moment donné, là, je me suis ramassé au-dessus de la balle en train de vomir, les yeux révulsifs. J'étais comme, j'aime un petit peu trop ça. Je pense qu'on va arrêter ça. Le GHB, c'est vraiment pas une bonne idée. Oh my God. Hein, c'est fou. Moi, je suis vraiment team. Genre, j'aime pas ça perdre le contrôle. Je contrôle vraiment beaucoup mon boss. Je suis un gros microdoser. Je suis genre maman drogue. Puis genre, je vais expliquer à tout le monde comment la drogue fonctionne. C'est quoi la dose que ça te prend si t'es pas habitué. Je suis vraiment control freak sur ma consommation. Je peux te demander si t'as déjà fait des blackouts? La réponse moi, est oui. Moi, je me souviens de tout. Non, mais pour vrai, je me souviens de tout. Ben, je pense qu'il y a un blackout, c'est la fois où je me suis pété à la face au café à Quin. Pas au café à Quin. Non, voyons, Chris. Le bar de l'UQAM. Le bar de l'UQAM. C'est ça, c'est que j'ai saigné de la face devant tout le monde. Ça, c'était oui, ça faisait trois semaines que j'étais seul. J'étais comme, elle va rester là, m'occupe pas de ça. Mais c'est ça l'affaire. Moi, c'est pour ça que je sais que je suis malade. J'ai tellement fait de blackout dans ma vie. Oui. Puis de. Ouais. Qu'est-ce que. C'était quoi, tu sais? Puis de pas me. Ou semi me souvenir, pas me souvenir. Me réveiller le matin, me faire dire par mon voisin que c'est lui qui m'a monté en haut. C'est ça. Oui. Couple de fois. Fait que pour moi, il y a comme cette affaire-là où, tu sais, mes amis qui savent boire puis qui aiment boire, ils font pas de blackout, là, tu sais. Ouais. Non. Ou rarement, là. C'est sûr que d'habitude, il l'échappe, là. Je veux dire, fais pas une crise d'anxiété, puis. Non, c'est ça. Ben, quoique, c'est votre responsabilité de vous questionner. Nous autres, on est pas là pour vous faire la morale. Fait que là, nous autres, on s'en va au AA. J'ai besoin d'aller chercher ma chip de 5 ans, puis mon gâteau. Et... Un gâteau trop sucré, c'est toujours ça l'affaire. Oui, je sais. Le petit gâteau trop sucré qui te met en high de là, les AA, la crème au beurre, c'est non. On arrête ça tout de suite, on revient dans 30 secondes. Et qu'on t'a pris ce bon gâteau-là, on t'a calissé ça dans le blender avec un cappuccino glacé, puis c'est bien meilleur maintenant. Gros rush de sucre. Gros rush de sucre, gros rush de caféine. Puis là maintenant, on se demande ensemble, la gang, c'est quoi les défis qui viennent avec la sobriété en termes de créer l'isolement, faire sentir seul, retrouver sa communauté. Moi, je dirais passer une journée au chute gay avec toi et JP. Oh. Ça, c'est un gros défi pour une personne sobre. Oh my God! Non, je niaise, mais c'est que souvent, je trouve que les gens vont se mettre à parler de leur vie de party. Puis là, c'est des fois, c'est le bout où moi, je suis juste comme, j'ai absolument rien à dire, alors je vais vous écouter parler de votre vie de party pendant vraiment longtemps. Actuelle, leur vie de party actuelle. Oui, oh, oui, c'est ça. Oui, parce que pour ça, je pourrais raconter mes histoires de gloire, puis là, je veux dire, celles que je me souviens, en tout cas. Ouais, ouais. Puis effectivement, mais souvent, j'ai l'impression que je me retrouve à l'écart de certaines conversations parce que je trouve que. C'est sûr, c'est particulier à moi. Parce que comme Thomas disait tantôt, toi, t'organises des parties, t'es souvent dans les bars, t'aimes ce milieu-là. Moi, moins, beaucoup moins. Fait que c'est sûr que souvent, je suis comme, ah, ben, tout le monde va dans des bars tout le temps, pas moi. Point. Puis je suis quelqu'un qui a vraiment développé cette new me, new life. Là. Je me couche de bonne heure, je me lève à 5 heures à tous les matins. Là. Moi, je suis vraiment tombé là-dedans, un peu par défaut. Fait que souvent, moi, c'est la plage horaire. Les shows de drag queen, là, ça va, là, je me suis habitué, là, mais tu sais, c'était à 10h30, c'était à 11h, c'était à minuit. Ça va, grand-papa? Ah, ouais. Si bon. Non, mais 10h30, moi, je suis couché, demande à Charlie, je suis couché à 9h. Papy Corneau, Ben, moi, ta question, c'est quoi les trucs pour que ça marche? C'est quoi ta question? C'est quoi les défis? Fait que soit surmonté ou pas. Ben, c'est sûr que les premières dates, c'est toujours. En fait, c'est un coming out, hein. Si tu rencontres quelqu'un, puis tu fais ce coming out-là, moi, l'affaire aussi, c'est que si la personne. Personne, ça semble la déranger, ce sera pas un bon fit. C'est quoi les pires affaires que t'as entendues? Les pires affaires que j'ai entendues. Mais tu sais, où les questions récurrentes, tu sais, mettons, même pas une bière, même pas juste une, T'en prendras jamais. Ben, mon père, ça, c'est quand même assez extraordinaire parce qu'il est tout le temps comme, mais là, tu vas boire un jour. Tu vas comme, tu sais. Mon père, lui, il n'y a pas de problème de consommation d'alcool. Fait que cette bout-là, il comprend pas, mais il y a plein d'autres comportements qu'il pourrait slacker un peu à poulie, tu sais, tu comprends? Mm-hmm. Ma mère, elle a arrêté de boire. Ça, c'est vraiment le fun. Ah! Ouais, il y a 2 ans. Elle a rencontré une autre personne qui buvait pas, puis cette personne-là, il a comme partagé son expérience, puis elle aussi, elle a arrêté, puis ça a transformé notre relation. Puis souvent, tu sais, l'alcoolisme, pour les gens qui pensent que c'est une maladie familiale, hein. Fait qu'il y a ça. Oh oui. C'est pas tant que t'as nécessairement un parent alcoolique, mais ça peut arriver, mais c'est que la compulsion puis l'obsession, c'est comme un trait familial. Mais ce qui est formidable, c'est que souvent, quand une personne change, ça peut transformer la famille. Ah. Oui. Fait que ça, c'est comme si, mais c'est beaucoup de travail sur soi, puis c'est beaucoup de. C'est ça, c'est le temps souvent qui fait son œuvre. Mais oui. Je pense que ma mère, ma propre sobriété a sûrement eu un petit lien avec la sienne. Mais la pire affaire qu'on m'a dit... Non, mais je pense que c'est aussi comme des gens qui sont dans un autre état. Tu sais, toi, ton état d'esprit, c'est un peu, mettons, prévention des méfaits. Tu comprends bien qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que t'ingères. T'es mindful, tu sais, de ça. Mais il y a comme clairement l'état qui est pas représenté autour de la table. C'est comme les excès, on s'en calisse, tu sais. Ouais. Fait que souvent, quand je suis en contact avec quelqu'un qui s'en calisse, ça sera pas possible. Mais moi, c'est fou parce que, tu sais, quand tu parlais du truc familial et tout, puis, tu sais, moi, il y a une de mes mères qui est exactement comme ça, qui est vraiment très, un peu comme moi, mais tu sais, comme très control freak sur sa consommation, veut pas, comme, aime pas perdre le contrôle et tout, ce qui est vraiment intéressant, mais tu sais, c'est une mom, là. Elle a 50 ans, c'est juste sur de l'alcool. Fait que, tu sais, pour elle que. Du rosé. Mais non, mais tu sais. Pas perdre le contrôle sur le rosé. Mais c'est ça, pour elle que je consomme autre chose, c'est parce que. Puis aussi, je veux dire, il y a des passifs aussi de genre. de famille genre prolo Saguenay des années 80 où comme il y a beaucoup de gens que ben genre qui sont alcooliques ou qui ont des dépendances, tu sais. Mm-hmm. Fait que eux autres qui ont acheté, c'est que ben si quelqu'un a pas le contrôle, ça va juste être plus tout le temps. Ouais. Puis il y a aussi un gros stigma qui est associé à genre tout ce qui est pas alcool, toutes les autres drogues. Oui. Fait que ce que je comprends pas, c'est que je consomme toutes les autres drogues exactement comme elle consomme son alcool. Ouais. C'est juste que c'est autre chose. Puis mais t'as-tu du plaisir dans ta consommation? Full. J'aime full ça. C'est ça. Moi, je vais revenir sur la question du coming out, parce que c'est vrai ça que des fois, je me pose la question, est-ce que je dis je ne bois pas ou est-ce que je dis je ne bois plus? Qu'est-ce que tu dis? Je dis la plupart du temps je ne bois plus, puis je claire ça dès le début là, pour régler ça dès le départ. Mais c'est vrai que même sur, ben là, c'est sûr sur Grindr, c'est l'exemple typique, là, mais... Affaire, là. Je trouve ça comme un gros morceau à donner tout de suite en partant sur Grindr, genre je ne bois plus, je suis un recovering alcoolic, mon nom est Jess et blablabla, tu sais, je suis comme... Ben c'est sûr que... Toi, tu m'envoies ta photo de ton cul, puis moi je te dis, moi j'arrête de boire, ça fait 5 ans, je suis un peu sensible. Ouais. Ben c'est sûr, oui, mais en même temps, mais ça, faut faire super attention, il y a un concept en rétablissement qu'on appelle l'ego spirituel, ça veut dire de se booster parce que t'es donc bien rétabli, là, maintenant, tu sais. Ouais. Fait que moi, mettons, ça fait comme ça va faire... Comme les gens qui arrêtent de fumer, qui sont comme, hey, ça, c'est le lendemain qu'ils ont arrêté de fumer, je respire mieux, je fais du sport, ma vie est belle. C'est ça. Yeah, fait que là, faut un peu se calmer. Fait que tu sais, des fois, il y a un peu ce risque-là où, tu sais, moi, mettons, là, ça fait quand même quelques années. Fait que tu sais, veux pas, des fois, je suis comme, mais ça fait 7 ans. Fait que tu sais, ça peut, dans le regard de la personne, peut être, oh, waouh, ça peut être. Ouais. Puis souvent aussi, tu sais, on est tous des petites bébêtes égoïstes à notre niveau, tu sais. Fait que souvent, les gens prennent ça personnel. Genre, moi, j'ai arrêté de boire, ben, ça te concerne. Tu sais, comme quelqu'un peut penser que ça le concerne. Comme moi, des fois, je vais dans des environnements, puis quelqu'un va faire une affaire qui a pas rapport avec moi, puis je vais me sentir visé. Ouais. Ça a pas rapport avec moi. Mais des fois, j'ai arrêté de boire, ça pique les gens, ils prennent. Ils sont comme, ah, mais moi, tu sais que j'ai pas de problème. Ils commencent à m'expliquer leur rapport à l'intoxication. Je suis pas ton thérapeute, loin de là. Je voulais juste te dire que moi, je bois plus. Ça finit là, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de ça. Qu'est-ce qu'on. Vite de même, là, qu'est-ce qu'on fait si on pense que quelqu'un a un problème de dépendance? Vite de même. Thomas, t'as dit que t'évitais. D'intervenir ou... D'intervenir, mais moi, tu vois, c'est d'être là, d'écouter. Tu sais, moi, ce qui m'a fait beaucoup de bien dans tout mon processus, c'est d'aider d'autres gens, tu sais, d'accompagner des gens. Là, aujourd'hui où j'en suis dans ma vie, c'est plus difficile. J'ai de la difficulté à faire ça, mais dans d'autres époques de ma vie, ça prenait beaucoup de temps. Là. C'était comme, genre, au centre de ma vie, c'était d'aider d'autres gens. Fait que moi, je dirais de trouver quelqu'un qui est un peu... d'être là, d'être présent, d'écouter. Je pense que c'est une chose. Puis surtout d'avoir pas d'attente, puis de me souvenir que si la personne... Ben, le mot rechuter, j'aime pas ça, mais comme reconsomme après une période de sobriété, ben c'est pas de ma faute, puis c'est la vie. Puis c'est juste de garder un peu ça en tête. Mais puis juste des exemples de sobriété, tu sais, juste de dire, ben regarde, c'est la société. Moi, je vis ma sobriété. Charlie, toi, tu vis genre... Charlie, pourquoi j'ai mis un T? Charlie. Moi, je l'ai dit, j'aime ça rajouter les phonèmes. Charlie, toi, tu donnes un tu sais, tu la prévention des méfaits, tu l'incarnes. Puis, fait que c'est juste que les gens aient comme des... j'aime pas même pas le mot exemple, mais tu sais, comme... Non, mais... ça existe. Disons un récit décomplexé. C'est ça. Toi, mettons, moi, c'est passé par les meetings. Toi, je sais pas passé par les meetings. Puis que... Après ça, chacun trouve ce qui marche pour eux, puis il n'y a pas de monopole sur la bonne affaire. Non, parce que c'est ça que j'allais dire un peu. Moi, je pense que, puis je l'ai remarqué à mon travail, moi, je le dis à qui veut bien l'entendre que je ne bois plus, je n'ai aucun problème avec ça, j'ai pas de honte là-dessus. Puis souvent, à ma job, on me dit, ah, c'est rare que j'entends quelqu'un dire ça. Ouais. Comme qu'en anglais, on dit, wear it as a badge of pride, je pense, quelque chose de même. Ils sont comme, ah, moi, j'avais jamais entendu quelqu'un dire ça ouvertement comme ça. J'étais comme, ben. Mais ces gens-là, ils ont quel âge, mettons? Ils ont mon âge. À ma job, ils ont pas mal mon âge. Okay. Quand même. Souvent, ça les surprend. Genre, vraiment, mon Dieu, genre, t'es pas gêné d'en parler ou affaires de même. Je suis comme, ben non, j'étais une très bonne personne quand j'étais sous aussi. Là. J'étais pas un trou de cul pour autant. Mm. Ah, moi, j'étais un trou de cul par contre. Ah oui? Moi, je suis pire sobre que. Moi, je trouve qu'une bonne approche aussi, c'est. Tu sais, souvent, on stick beaucoup sur comme la consommation, mais je trouve que comme confronter quelqu'un sur sa consommation versus sur comme. Qu'est-ce que tu es en train de faire dans ta vie? Mais là, c'est ça, c'est-à-dire que je trouve que t'intéresser à la personne puis à qu'est-ce qu'elle est en train de fuir est beaucoup plus productif. Oui. Moi, je trouve qu'il y a des conversations qui sont seulement sur la consommation de la personne, c'est comme si c'était ça le trigger. Genre le cliché de l'intervention. Là. Oui, mais comme ça aussi, c'est-à-dire que mais c'est niaiseux, c'est pas symptôme. La consommation qu'il faut gérer, ouais, c'est un symptôme, c'est il y a quelque chose derrière. Ouais, je veux dire, il n'y a pas d'addiction qui existe d'elle-même. Tu sais, l'espèce de. Tu sais, le truc de comme, t'en fais une fois, puis tu deviens addict pour la vie. Tu sais, des estis de comme. La cocaïne, une fois c'est trop, 10 c'est pas assez. Ben oui, c'est ça, tu sais, puis c'est pas vrai. Tu sais, je veux dire, c'est pas. Il n'y a pas des réactions chimiques incontrôlables de ton corps que, tu sais, un moment donné, ça va, là. Mais c'est comme les. Mais c'est une habitude, c'est que n'importe quelle habitude, c'est comme si moi j'ai pris l'habitude de boire, je sais pas, 10 bières par soir, ben là, défaire cette habitude-là, c'est peut-être pas si évident que ça. Mm-hmm. Non, puis ça répond sûrement à un besoin autre. On n'est pas essentiellement c'est ça. Alcoolique, c'est pas. Ben moi, je pense que c'est un. Pour moi, je pense que j'ai une prédisposition à la compulsion, clairement, là, tu sais, depuis que je suis tout petit. Là, je me suis vu grandir. Mettons, je repense à mon enfance, je suis comme, ah ouais, j'ai géré ça avec les biscuits Oreo. Ah ben oui, j'ai géré ça avec les Pop-Tarts. Les biscuits Oreo ordinaires ou genre les Golden? Double crème. Ou quelque chose de... Double crème, sacrement. C'est mon no-grinder. Fait que tu sais, je pense que pour moi ça c'était là. Après c'est une question d'environnement, c'est ça. Si tu prends une personne qui a tendance à avoir de l'obsession puis de la compulsion, puis tu la mets dans un environnement où elle va pouvoir comme thrive sur comme ces substances, ben là ça risque de donner un résultat moins le fun là, tu sais. Moi ça m'étonne qu'on en ait pas parlé, mais je dirais légaliser toutes les drogues, ça serait vraiment déjà un bon point. Mettons là, mettons. Ça serait déjà vraiment un bon point. Mettons que François Legault dit quoi dans son magasin de stream et ça chez eux. Mais le... ça vous a pas fait chier que la légalisation du pot, ce soit finalement juste une excuse pour créer comme un autre corporate géant, tu sais? Genre, tu regardes les fournisseurs de weed, là, c'est des hosties grosses, c'est genre Canopy qui est en bourse, qui vaut des milliards de dollars, genre... Il y a pas l'esprit de décriminalisation de la drogue en arrière de ça. Il y a juste l'esprit de je vais faire plaisir à un lobby qui me tape dessus depuis vraiment longtemps. C'était tellement hypocrite. Puis en plus, je veux dire, les personnes qui ont été criminalisées aussi, à cause les de lois ça, qui sont ajoutées au provincial, de zonage, des écoles. Puis, pour vrai, là, les gens qui faisaient ces lois-là, là, ils ont jamais fumé un bat de leur esti de vie. Ils étaient comme, on peut pas avoir ça à côté d'une école. Imaginez la fumée secondaire. Nos jeunes vont se faire au-delà de ça, tu sais, mettons, tu peux aller de l'autre bord, tu peux dire, la SAQ, tu sais, mettons, dans n'importe quelle industrie. Dans n'importe quelle industrie, tu le sais que 20% de tes consommateurs vont consommer 80% de tes produits, ta marchandise. C'est ça la fidélisation, tu sais. C'est ça le concept. Mais la SAQ le savent, là. Fait qu'ils savent qu'il y a 20% des gens qui consomment. Mais c'est quoi 80% de la marchandise pour la SAQ? Puis c'est-tu sain que 20% de leurs consommateurs. Tu sais, mais ça, c'est des questions qu'on saura jamais ou ils vont jamais nous le dire. Ou tu sais, pour moi, ça, c'est bien plus un enjeu de santé publique que la fucking fumée de weed à côté d'une école secondaire. Tu sais, la façon qu'ils ont amené le weed aussi, c'est vraiment cool. Tu vas là-bas, t'as des conseils, ils t'expliquent c'est quoi le weed, ils t'expliquent comment ça marche. Tandis que l'alcool, là, ils placardent ça sur le métro le matin quand je vais aller travailler. Ce type-là, c'est SAQ partout écrit. Il y a des pastilles de goût quand même. Oui. Y a-tu des pastilles de goût pour vrai? Non, à la SQDC, ok, non. Non, non. Ça serait le fun. Ben, là, je peux jamais aller, mais je pense qu'il y a comme selon la force, leur mot. Il y a plein à faire. Là. Bon. Fait que nous autres, on vous revient dans 30 secondes pour la conclusion. Là, ça suffit. Alors, c'était tout pour notre émission de cette semaine. On vous remercie d'avoir à l'écoute et on remercie énormément Thomas Leblanc d'être venu nous voir merci aujourd'hui. À vous. Et je vais vraiment vous remercier parce que moi, je rêvais d'un podcast queer en français depuis longtemps. Et je suis vraiment content que vous fassiez ça. Puis, merci, vous êtes vraiment le fun. Yeah! Thomas, as-tu des choses à plugger? Oui, mon podcast Chosen Family. Si vous ne l'avez jamais écouté, écoutez-le, c'est le fun. Puis mes soirées, peut-être venir à Homopop le 2 novembre ou ça sort au Cabaret Berlin ou au Diva de Schlager. Au Blockhouse sur la rue Ontario le 16 novembre. Fuck yeah! Vous pouvez nous retrouver sur tous les médias sociaux qui ont de l'allure en tapant 2 fifs le matin, le chiffre 2, fif avec un X à la place du I parce qu'on veut pas se faire shutdown par la police des mœurs. Puis le matin, tout en un mot. Oubliez pas de mettre 5 étoiles partout où vous écoutez les podcasts. Ne l'oubliez pas. Merci beaucoup les Moons. Bye bye, la semaine prochaine. Love you les Moons. Bye bye les Moons.